Raoul, R.O., les grands moineurs. Quand tu réussis, c'est grâce à eux. Et quand tu échoues, c'est ta faute. PDG Lucien, les bâtards. Chendonga des colonisateurs, Patrick Meka, ombre jeune, roi des poussons. Mon général, Amissi Gabriel, tango fort, la force silencieuse. Mon général Badiri. Le seul qui Bobos, Abel, Achou, Achou. Les Vimpaï, les Bérets Rouges, Wambo, Kabinda, Luanda, Bakolo.